الدواء العلمية مؤسسين المقاومة في مسجد أبو بكر بيروبي في بيروت على مسجد أبو بكر في طنجة شمال طنجة دولة نولة طنجة. الكتاب الذي سنقرأ منه يريد أن نزال جديد هو عقيدة أهل السنة والجماعة الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. C'est la profession de foi des gens de la semaine du consensus du chef Ahmed Moussa et la première année. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أما بعد فقد اطلعت على العقيدة القيمة الموجزة التي جمعها أخونا العلامة فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وسمعتها كلما فألفيتها مشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته وفي أبواب الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد أجاد في جمعنا وأفاد وذكر فينا ما يحتاجه طالب العلم وكل مسلم في إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وقد ضم إلى ذلك فوائد جمة تتعلق بالعقيدة قد لا توجد في كثير من الكتب المؤلفة في العقائد، فجزاه الله خيرا وزاد من العلم والهدى ونفع بكتابه هذا وبسائر مؤلفاته وجعلنا وإياه وسائر إخواننا من الهداة المهتدين الداعين إلى الله على بصيرة إنه سميع قريب. قال المنذر الفقير إن الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامح عبد الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. Allonge à Allah seul que la prière et le salut soient sur l'ultime prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur sa famille et ses compagnons. J'ai pris connaissance de cette profession de foi du musulman sous forme de résumé, composée par notre frère éminent savant, Cheikh Mohammed Moussa al-Qadhimin. Je l'ai entendu en entier et j'ai trouvé qu'il traitait de la croyance des gens de la sunna et de la vie du consensus d'une manière claire et complète, particulièrement dans les chapitres de l'unité d'Allah, de ses noms et ses attributs. De la croyance aux anges, aux livres révélés, aux messagers, au jour du mois dernier, et aux destins bons ou mauvais. Il a très bien conçu cet ouvrage, l'a rendu bénéfique, et a rassemblé tout ce que l'étudiant et tout musulman doit avoir concernant la croyance en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour du jugement dernier, et aux destins bons ou mauvais. Il a aussi ajouté des points importants que l'on retrouve dans peu d'ouvrages écrits dans ce domaine. Qu'Allah lui accorde donc sa rétribution, lui augmente sa science, le guide et fasse que cet ouvrage ainsi que tous ses autres livres puissent profiter au plus grand nombre. Qu'Allah le mette ainsi que moi-même et tous nos frères parmi le nombre de ceux qui guident et de ceux qui sont guidés, et parmi ceux qui appellent vers lui avec des preuves accablantes. Il est l'audient et le proche. Et qu'Allah accorde sa prière et son salut à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'à sa famille et ses compagnons. Écrit par Cheikh Abdelaziz Abdullah Nouraz, qu'Allah lui fasse miséricorde et lui accorde une place et des ouvrages. Jamil Hadi, mon président. C'est une très belle introduction. Cheikh Mohammed Mathémine الشيخ محمد مصاري العثمين في قصيدة صوم والشيخ بنباز شيخ انت شيخ بنباز رحمه الله اسمه شيخ ابن عثيمين من طلاب بنباز الشيخ عثمان رحمه الله يحفظي قصيدة زيلر والشيخ بنباز الشيخ ألف كتابه الشيخ محمد محمد مصالح رحمه الله على كومبوزيسيون ليغ يستطيع ينشره يفوت البوبليي ولكن جعل الشيخ بن باز يقدمه مي لا في كو في الشيخ نوبل رحمه الله بن مام كي لو بريفاس ألف هذا الكتاب عمره تقريبا 55 كون لا يكري سو ليغ إلى مي بريف 55 ans قدم له الشيخ بن باز عمره 74 الشيخ بن عثيمين رحمه الله عليه لو كيلا بري لا في لا بريفاس لا في 74 او 71 او بيان 71 كبير في السن يعجي ولكن قدم لكتابه عالم مي سي ان سافون كي افري لا بريفاس دو سون ليفر Donc c'est lui donc qui a, lui a donné donc de la valeur. Et aussi il a fait l'éloge de son livre. Il a dit qu'il se distingue par des choses. Et qu'il y a des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc il a fait, il a loué le livre. Et il a aussi fait l'éloge de tous ses ouvrages. Et à la fin, il a dit donc celui il a été dicté par لأن الشيخ بن باز ما يكتب ولا بس كل الشيخ رحمه الله اللي يكتب له يملي وغيره يكتب له يديك في دوس يكتب لماذا؟ كل غزون لأنه أعمى سكينة هذا قال مملي pour ça qu'il a dit dicté par وهذا من الدقة ça c'est partie de la précision خلاف ما يقول الإنسان قال كاتبه on lui dit l'écrivain a dit il l'a dit et il l'a dit donc ici il a bien été précis il a dit c'est lui qui l'a dicté et quelqu'un d'autre a écrit voilà, donc il a écrit dicté par le pauvre il ne s'est pas donné un titre tout le monde sait qu'il c'est un savant. Mais celui qui fait preuve des preuves de modestie, Allah il l'élève. Non, il ne faut pas toujours te voir au-dessus de tout le monde. Voilà, donc quand je présente-toi d'une manière modeste. Rien que dans cette préface, il y a une éducation. Voilà, donc dans la voie. Donc si c'est la voie de Salaf dans la façon lorsqu'ils apportent l'éloge tel ou tel. Voilà, et elle renforce encore le livre, bien qu'il soit déjà assez fort. فكأنما هذا الكتاب عقيدة الشيخ. كم سيدنا مسلم يخزن لدوم من دو شيخ. قرأه. إلا لُم إلا مسلم. فنبدأ بالكتاب على رواية الإسلام. على بني الإسلام الله نزلنا في مونسي نوم سيدنا. أن تخلص الأرض وتبدأ بالمونسي. ها؟ قدر ولا تقرأ الأرضي نشرحها وتترجم شرحها ما رأيكم؟ ها؟ ما رأيكم؟ Donc en fait, vous préférez quoi ? On lit le texte en arabe et on lit la traduction, ou bien on lit le texte en arabe et chez directement donc il explique et on traduit ce qu'il explique pour moins perdre de temps. نقرا النص العربي والشرح تكون الترجمة. معطي؟ نعم ولا وي؟ وي وي. قال الشيخ العثيمين رحمه الله عليه قراءة على شيخنا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه المقدمة. حمد الله. Il a commencé par les louanges d'Allah. وبين أن له العاقبة. Il a montré donc que la fin elle appartient toujours à Allah سبحانه وتعالى. وأن المعتدين. Et que ceux qui transgressent. الظالمين. Les injustes. مستحقين للجزاء. Il mérite donc le châtiment. شهد بالوحدانية. Il a attesté à Allah par l'unicité. وأنكر الشرك. Et il a donc renié toutes sortes d'associations. Et il a attribué donc la royauté à Allah, le véridique. Et après, il a témoigné de la prophétie au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cru donc que c'est le dernier des messagers et qu'il est le guide des croyants. Et il a prié donc sur les compagnons et tous ceux qui les suivent. فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. جميل. هذه فيها ثلاثة أمور. Dans ce passage, il y a trois points. أنه أنزل الحق المبين. Que la vérité claire et évidente a été descendue. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغه. Et que le prophète صلى الله عليه وسلم l'a transmis. فهو القدوة لهم. Donc c'est lui le modèle à suivre. Et aussi c'est un argument contre eux. Rasoul, c'est un prophète, d'Allah. Messager, donc il a transmis. Et il est donc un modèle à suivre. Et on doit le suivre. Et aussi c'est un argument. Celui qui ne le pour celui qui ne le suit pas. Et aussi c'est un argument pour celui qui l'a suivi. Donc ici il y a trois points. Lesquels Ursula Il a été envoyé par Allah. Khudwa. Et c'est un exemple pour la communauté. C'est une preuve pour celui qui le suit et celui qui ne le suit pas. بَيَّنَ بِهِ وَبِمَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر كم مسألة بينت. Regarde ici donc combien de points il a traité. الكتاب والحكمة. Donc le livre, la sagesse, le résultat, premièrement, voilà, c'est la réforme des serviteurs, la droiture de leurs états, que ce soit dans leur religion ou bien dans leur vie. Et aussi, donc, elle corrige les dogmes et les croyances, et les actions, et aussi ses comportements, aussi l'éducation, et ainsi tout devient clair et évident. Donc, elle est aussi claire de jour comme de nuit. Celui qui la délaisse est quelqu'un qui a perdu. Donc il y a plein de choses qu'on peut en bénéficier à partir de là, du dogme qui est correct. Le dogme nous enseigne tant de choses. Elle remet sur la droiture. Et elle corrige. Elle corrige les adorateurs. Les façons de traiter. Et les comportements et l'éducation. Donc le dogme est global et total. Et hier, donc, nous avons abordé le sujet de la culture et aussi l'identité.

وكل معبود سواه بعض. هنا انتقل إلى مسألة أخرى. لا دونك إلى بور أن دوزيام بوان. ما هي؟ لكن؟ الألوهية. الألوهية، الأدوات. والذي مر بنا قبل قليل. Est-ce que nous avons vu tout à l'heure? الربوبية. Donc la Seigneur. ما الفرق بين الربوبية والألوهية؟ Donc quelle est la différence entre les deux? كلها توحيد. Tous les deux, c'est l'unicité. فأنواع التوحيد ثلاث. L'unicité se divise en trois parties. توحيد الربوبية. L'unicité de la Seigneurie. وهو إفراد الله. C'est le fait de croire, le fait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala seul les actions. Et quant à Tawhid al-Uluhiyya, l'adoration, c'est le fait de vouer le culte. C'est le fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala de lui vouer les actes de ceux qui sont responsables. Le troisième partie, l'unicité des noms et des attributs. ما هو كي كونسيست هو ان نصف الله عز وجل ونسميه بما سمى به نفسه سي كون لي اتريبي ان الله لو لي دون لي نون لي اتريبي كو لي سي لي دي او وصف به نفسه لي اتريبي كي سي دوني ليس كمثله شيء rien de lui est semblable وهو السميع البصير et lui donc l'audient le clairvoyant او بما سمى به وصف النبي صلى الله عليه وسلم او bien par ce par lequel son messager lui a donné comme nom dans la tribu. Les noms et les attributs relèvent de l'invisible. Donc nous n'y avons aucune connaissance si ce n'est ce que lui nous en a informé. Donc, donc, le fait de lui attribuer la création, la subsistance, c'est lui qui les donne, lui seul, ça n'est qu'aucune robobie. Nous sommes donc des êtres humains, des fils d'Adam. Nous adorons Allah. Cette adoration, on appelle donc l'unicité d'adoration. On appelle aussi donc le Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibad. Est-ce que Tawhid al-Uluhiyya? L'Uluhiyya est l'Ilahiyya. Tout le reste est en train de faire. Il peut être en train. Voilà, donc les deux, que ce soit Uluhiyya. Nous faisons Allah. C'est qu'astina wa aqwalina wa amana. Voilà, donc nous voulons Allah, le culte sincère, que ce soit avec nos propres, que ce soit avec nos paroles, que ce soit avec nos actes. En d'autres termes, voilà, donc c'est le fait que ceux qui sont responsables comme nous doivent leur action sont uniquement pour Allah ونؤمن بأسمائه وصفاته أي بأن له أسماء بأن له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. هذا توحيد النوع الثالث. Donc ça ici la mode troisième. Nous lui attribuons, les noms qu'il s'est attribué. Et aussi les attributs qu'il s'est donné. Nous lui attribuons ce qu'il s'est attribué. Et les choses qu'il a niées, nous les nions. Par exemple, parmi les choses qu'il a fait attribuer, les choses qu'il a niées. Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Donc le fait qu'il s'est attribué donc al-hayy de la vie, al-qayyumiyya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Donc il ne peut connaître ni fatigue ni sommeil. Sinat muqaddimat al-ghadwa qabla an-nawm. Donc voilà, donc sinat qui précède le sommeil. وارتخاء الجسد وتطابق الجفنين. هنا في l'état qui précède le sommeil, le fait que le corps soit décontracté et les yeux et paupières se ferment. والنوم هو النوم. في السوميل في السوميل. إذا هذه أثبت الله لنفسه ولها. Et donc ici Allah il a attribué des choses, il a nié des choses. ففي ما ذكرنا قبل قليل في مقدمة آية الكرسي ما هو الذي أثبته لنفسه وما هو الذي نفاه؟ Alors qu'est-ce qui s'est attribué, il s'est nié au début de آية الكرسي؟ ما أن

cet homme ou bien celui qui est enterré de lui donner toute la descendance, la descendance. Ou bien la femme, elle vient et elle tourne autour de la tombe. Et elle demande donc qu'il lui accorde un enfant. Donc ces propos ne sont pas nouveaux. Cela sont, il y a des, ce sont des propos anciens. Dans la péninsule arabe, avant la venue de l'islam, et même après l'islam. Donc en l'an, donc 1200 de l'Hégire, il y a un homme donc, dans la région de Najd, dont le nom est Mohamed Abdel Wahab. Donc avec sa da'wa, elle est connue et c'est lui qui a réussi à ramener les gens vers ce sur quoi ils étaient les premiers. Il dit qu'il a trouvé des gens dans un village auprès d'un énorme palmier. Le palmier. Voilà, donc, dans les palmiers, il y a donc ceux qui sont de genre masculin et ceux qui sont de féminin. On appelle ça. Les palmiers qui sont donc mâles, on les appelle les donc la femme elle faisait donc des tours autour de le palmier mâle et qui dit voilà, donc, ô toi le fahl de tous les fuhul, donc le mâle de tous les mâles, accorde-moi un époux avant la fin de l'année. Donc, ça existe. Il tournait aussi autour de la tombe de Zayd ibn Khattab. Et Cheikh Al-Wahab, il venait. Et les gens faisaient leur tawaf et ils demandaient. Et donc il était connu, dans ses propos il disait Allah il est meilleur, il est mieux que Zayd. Donc il levait la voix et il criait, il disait Allah il est mieux que Zayd. Voilà, pour faire réfléchir leur raison. Et il y a tant de personnes, ils ont délaissé la tombe, ils sont tournés vers Allah. Voilà, donc la saine nature, elle a retrouvé son chemin. Et voilà, donc et l'association qui était dans les âmes, elle s'est dissipée. Voilà comment les gens ont dévié. Et aussi dans les noms et les attributs, ils ont dévié. Donc Allah en parlant de lui-même, il dit il n'y a rien qui lui est semblable. Et il y a ceux qui disent non. Donc il est audient comme nous et il est voyant comme nous. C'est Allah lui-même qui parle de lui-même et qui dit il n'y a rien qui lui est semblable. Est-ce que tu lui connais de semblable? C'est lui dont l'audience est clairvoyante. Donc la première partie, dans la première partie de ce verset, il nie. Et dans la deuxième, il affirme. وإثبات الصفات على غير الانتتاب تمدد أو تشبيه. Donc dans la première partie la ressemblance et dans la deuxième il affirme donc les attributs sans ressemblance. فهناك هنا. Il y a donc des gens. بالغوا في الإثبات. Ils ont commis des excès par rapport à l'affirmation. وهناك أناس بالغوا في النفي. Qui ont exagéré par rapport à la au fait de nier. قلوب. Donc c'est l'excès. الذين بالغوا في الإثبات قالوا سميعوا كسمعنا. Ceux qui ont commis l'excès dans l'affirmation, ils ont dit il est audient comme nous. وهؤلاء شكوا. Et donc ceux-là, ils ont fait ressembler à Allah ces créatures. والمشبهة عبدوا صنع. Et donc ceux qui ont donné à Allah des semblables, c'est comme s'ils l'avaient adoré. ليس هذا. Un statue. Et ce n'est pas Allah. Allah il dit rien, lui est semblable. Et vous, vous lui avez donné un semblable. Et il y a ceux qui ont nié. Donc eux, ils ont commis l'excès dans le fait de nier. Donc ils ont dit, il est audient sans vue, il est audient sans ouïe et il est clairvoyant sans vue. لا داخل العالم لا خارج العالم لا لا لا كل نقول جهات كلها. Donc il n'est ni à l'intérieur du monde ni à l'extérieur ni au-dessus ni en bas, donc ils ont nié toute direction et toute orientation. عبدوا عدم. Ils ont adoré le néant. من تعبد؟ Vous adorez qui؟ الله عز وجل النفس يقول الرحمن على العرش استوى. Allah en parlant de lui il dit الرحمن s'est établi au-dessus du trône. ألا تؤمن ما أخبر الله عن نفسه؟ Tu ne crois pas donc en ce au quoi Allah il a dit à propos de lui-même. Amen. Nous y avons cru. Donc ceux qui ont dévié quant à la notion des noms et des attributs, donc leur erreur, donc ils ont mal compris ce dogme. Il y a ceux donc qui ont pris que la première partie et ils ont nié. Donc il a affirmé. Voilà, et le contraire. لكن نحن أهل السنة والجماعة. Mais nous, أهل السنة والجماعة. نثبت ما أثبت نفسه. Nous affirmons ce qui est affirmé. ليس كمثله شيء. Rien ne lui est semblable. ونؤمن بما أخبر عن نفسه. Et nous y croyons en ce que croyons. سميع بصير. Qu'il est audient et qu'il est clairvoyant. أنا قصرت في هذه المقدمة حتى نعرف أنواع التوحيد الثلاثة. Voilà donc je me suis attardé pour qu'on connaisse. En connaissance donc des trois parties de l'unicité. ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الخلق والملك والرزق. Donc la création, donc la partie, le fait que tout lui appartient et le fait que c'est lui qui donne la subsistance. Donc il part de la subsistance. لن تموت الا بعد ان تستكمل رزقك. Tu ne mourras pas tant que tu n'as pas fini ce que Allah t'a défini comme subsistance. حتى لو انها جرعه ماء. Ne serait-ce qu'une gorgée d'eau. قصه حصلت عندنا. Il y a une histoire qui est arrivée chez nous. احد كبار السن رحمه الله. Un personnage qu'Allah lui accorde un miracle. سقط في البيت. Il est tombé dans un puits. C'est un puits profond. Donc vous connaissez les puits du désert. Donc, elles ne sont pas semblables aux puits qui sont dans les régions où il y a de l'eau. L'eau elle est vraiment profonde. Il est resté donc au fond du puits, mais il était vivant. Il n'y a rien donc qui lui est arrivé. Donc ils ont jeté la corde et ils l'ont tiré. Lorsqu'ils l'ont sorti, il s'est assis à côté de lui. Donc il avait peur. Il y a une personne qui lui a ramené du lait. Il a bu. Il s'est calmé. Ils lui ont dit qu'est-ce qui t'est arrivé. كنت في جوار البيت. Donc il y a des objets à côté. هكذا. Comme ça. فنظرت إلى أسفلها. J'ai regardé au fond. فإذا بي شيخ. مرات. Voilà, donc il voulait leur montrer ce qui est arrivé. Donc il s'est mis au bord du puits, il leur dit voilà ce que je voulais faire. Et encore une deuxième fois, il s'est trouvé au fond du puits. Mais cette fois-ci, il est mort. بقي له. Voilà, ce qui lui restait, c'était le verre de lait à boire. Voilà, donc dans tout le système, là, ça ne parvient pas. Subhanallah. Donc Parfois, on se précipite pour notre subsistance. Même avec des choses qui sont illicites. ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن هنا العلم. Ici donc il aborde le fait de la connaissance d'Allah سبحانه وتعالى. La création, la loyauté, la science et la science. Science parfaite et globale. كل الأمور التي مضت يعلمها. Tout ce qui s'est passé, il le connaît. كل الأمور التي تأتي سيعلمها. Et tout ce qui a amené, il le sait. فهو يعلم كل شيء. Il sait dans toute chose. يعلم ما فات. Il sait ce qui s'est déjà passé. وما كان. Et ce qui va arriver. وما سيكون. Et ce qui va arriver. وما لم يكن لو كان كيف يكون. Et ce qui n'aura pas lieu s'il devait avoir lieu, comment il aurait lieu. كقصة الكهف. Comme donc. كان أبوهما صالحا. فإن لهم الجدار والسفينة اللي خلقها يأخذ منها كل سفينة تتصدى يعني لو ما خلقتها سوف يأخذون منها يعلم ما كان لو كان كيف يكون ونذكر دوم ذو ريسي كي يدوم سورة لكافيرنا ذيك الحضر لهم كيلا فيس كيلا فيس si il avait pas fait cette chose là leur bateau il aurait été pris si il avait pas redressé le mur on aurait découvert le trésor et ainsi de suite نحن هنا nous nous sommes ici والغابة موجودة الغابة ouais. Donc la forêt, elle existe. Donc, il y a des arbres. Voilà, il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'Allah le sache. Il sait toute chose. Donc il connaît le regard subtil. Et ce que cache les poitrines. Il sait ce qu'il y a au fin fond des mers. Et ce qu'il y a donc au milieu, au sein des montagnes. نسأل الله يستر. الله كي كشنو ديفو. فحاول قدر المستطاع أن تتق الله. Donc, fais le plus possible que de craindre Allah subhanahu wa ta'ala en notre propre personne. Donc la faiblesse de la foi. لو آمن العبد حقيقة بعلم الله بكل أموره. Si le serviteur croyait vraiment en la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose, certainement il délaisserait tant de choses qui sont interdites et illicites. Il y a donc un enseignant qui voulait apprendre à ses élèves. Il leur a donné trois poules. Il a dit à chacun, il va et égorge là où personne ne te voit. Mais il y en a deux qui sont revenus, ils avaient égorgé leur poule. Et le troisième, il est revenu avec sa poule vivante. Il a dit, pourquoi tu ne l'as pas tué? Il a dit, va, tu m'as demandé de la tuer là où personne ne te voit. Et à chaque fois que je me suis caché, j'ai pris connaissance qu'Allah me voit. Voilà. Donc je ne peux pas le faire. Il y a des gens qui savent ce que je voulais vous apprendre. Donc le fait que tu prennes conscience qu'Allah t'observe et te regarde, elle va renforcer très certainement ta foi. Et elle te, ce sera un rempart de temps pour toi de connaître tant de choses. C'est ça donc la croyance. C'est ça la croyance. Donc elle exhorte à faire et agir. ونؤمن بأن الله يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء وكلم الله موسى تكليما ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. هنا أيضا يتواصل سبحانه عز وجل لما يقال لفتك أن الله تم تشرف بهذه الأمور كلام الله تؤمن بكلام الله أفهم في الإخوان ما بعض الله سبحانه وتعالى القرآن كلام الله القرآن لما عند الله التوراة التوراة la Torah aussi l'Injil l'Évangile aussi le Zabur les psaumes de David le Sohuf donc les feuillets de et tout cela il va les détailler tout cela c'est la parole d'Allah nous croyons donc en la parole d'Allah et ça c'est un contre-argument pour ceux qui ont dit que là que la parole elle est créée et que le dame le plus vrai c'est que la parole d'Allah elle n'est pas créée. ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو أن ما في البحر من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هنا ضرب الله مثلا إيش يا الله إلى دنيا نقدم أن البحار كسي لزوتيا إتيا دلونت ولا شجرة et tous les arbres, les plumes. L'encre donc, qui représente les océans et la mer, il s'épuisera. Et les, tous les arbres qui représentent des plumes, ils se termineront. Et les paroles d'Allah ne s'épuiseront jamais. Ça, c'est une énorme grandeur. ونؤمن بأن كلمات ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وحسنا في الحديث قال تعالى قال الله تعالى وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وقال ومن أصدق من الله حديثا وصفها بثلاث الله ici il a attribué à ses propos trois vertus هذه الصفات التي وصفها بالكلام donc ce sont des paroles parfaites, véridiques et justes. Puis après il a montré que c'est les plus belles des paroles. Combien de fois avez-vous récité sur notre Fatiha? Très certainement plusieurs fois. Est-ce que quelqu'un s'est embarqué de la vie? Jamais. On ne peut s'en lasser. Donc ça c'est la meilleure des paroles. La parole d'Allah. Donc elle ravit les âmes. Et elle les appelle. Et aussi elles sont quiètes. C'est avec l'invocation d'Allah que les cœurs sont quiètes. Et le meilleur des rappels, la parole d'Allah. ونؤمن بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى تكلم به حقا وألقاه إلى جبريل فنزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم قل نزله روح القدس من ربك بالحق وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا هو القرآن نكتفي بقول الله وبينا هذا القرآن C'est le Coran de la parole d'Allah, nous l'avons déjà évoqué. ونؤمن بأن الله عز وجل علي على خلقه بذاته وصفاته لقوله تعالى وهو العلي العظيم وقوله وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. Donc le fait qu'Allah soit au-dessus avec son entité et aussi sa notoriété et aussi dans sa place. C'est lui qui domine ses serviteurs. Donc le tout miséricordieux est établi au-dessus du trône. Alors que tu te prosternes, la pureté à Allah, le Très-Haut. Lorsque tu viens invoquer Allah, tu te tournes vers le ciel et tu lèves les mains. Pour quelle raison? Car tu sais qu'Allah est Très-Haut. Au-dessus de son père, la pluie, voilà donc, lorsqu'il descend, il est énorme. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son voyage dans le ciel. Voilà donc, ça c'est l'Isra de la Mecque jusqu'à. المسجد الأقصى هذا الإسراء المعراج الاسانسيون أريد به إلى الله. Donc Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, c'est notre montaha. Le jugement. Et le hadith, donc, il est long. Comment donc est certain? Il dit, on ne sait pas Allah, il est où. Il ne faut pas dire qu'Allah, il est au-dessus. Donc, je dis quoi? Allah, faut. Je dis, Allah, il est au-dessus. Rasulullah, ça s'est même dit de là. Bien. Donc l'histoire qui est connue de cet homme-là qui a frappé sa esclave. Le prophète lui a posé la question, où est Allah? Elle lui a dit, au-dessus. Il lui a dit, qui suis-je? Elle lui a dit, l'envoyé d'Allah. Elle a dit, affranchis-la les croyants. Il y a des gens qui viennent aujourd'hui qui disent, faut pas dire, Allah il est où? C'est le prophète sallam qui a posé cette question. Et moi je ne fais que le suivre. Mais c'est pas toi que je dois suivre. Donc toi tu considères que cette question est fausse et c'est une erreur. Espèce d'ignorant. Tu ne sais pas que c'est le prophète sallam qui a dit cela. Donc apprends. Il ne faut pas que tu sois jeté autant de culot vis-à-vis d'Allah et de ses attributs. C'est Allah qui parle de lui-même et qui dit Ar-Rahman s'est établi au-dessus de son trône. Et toi tu dis non. Vous connaissez mieux Allah que lui-même. ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر واستواءه على عرش علوه عليه بذاته علوا خاصا يليق بجلالاته وبجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو بجلاله وعظمته لا يعلم كيفيته إلا هو. Oui, donc ça c'est la vie le plus correcte dans cette vie. Donc ça c'est notre argument contre tous ceux qui ont altéré le sens du terme istawa en istawa, il s'est accaparé. Donc qui est-ce qui l'avait abandonné afin pour que lui il soit accaparé? C'est lui qui l'a créé. Et il s'est établi. Et il n'en a même pas besoin. C'est l'une de ses créations. ونؤمن بأنه تعالى مع خلقه وهو على عرشه. يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر أمورهم يرزق الفقير ويجبر الكثير. يؤتي الملك من يشاء وينفع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ومن كان هذا شأنه كان مع خلقه حقيقة وإن كان فوقهم على عرشه حقيقة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نقول كما تقول الحلولية من الجهمية وغيرهم إنه مع خلقه في الأرض. ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال لأنه وصف الله بما لا يليق من النقائص. Ici, donc, on parle de ma'iyya, l'accompagnement. Et donc, l'accompagnement, c'est de deux heures. Donc, il y a un accompagnement qui est général, un accompagnement général et global. Et celle qui est privée spécifique. Donc il n'y a pas trois qui tiennent un discours en secret sans qu'il soit avec eux, ni quatre, ni cinq. Donc à la fin du verset, Allah dit, et Allah a fait une chose, il connaît une chose. Donc il est avec eux, avec sa science et sa connaissance. Voilà, donc c'est pour ça que si donc le الشيخ رحمه الله إلى يبوكين بالبراني إلى ديكيني avec eux. Avec eux, avec sa science, alors qu'il est au-dessus de son trône. Et donc, il est avec les croyants, donc ça fait un accompagnement qui est spécifique. Allah est certes avec ceux qui craignent et ceux qui sont bienfaisants. Donc, de quel accompagnement ici il s'agit, de quel ma'iyya? Le fait qu'il est prêt, protège, le fait qu'il les soutienne, le fait qu'il leur accorde le succès. Donc il leur accorde la réussite et il les préserve. Donc préserve Allah, il te préserve. Sois avec Allah, Allah sera avec toi. Donc il te préservera et il t'accordera donc son aide. ونؤمن بما أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. هذه المسألة ici donc il aborde le fait que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala descend. C'est lui qui a dit qu'il s'est établi au-dessus de son trône. Et c'est lui qui a informé qu'il descend donc chaque nuit au dernier tiers de la nuit. Nous y avons cru car cela nous parvient de la part d'Allah. Voilà, donc on n'interprète pas le sens, on ne le détourne pas et on ne fait pas appel à notre raison. Pourquoi donc on ne peut pas faire appel à la raison? Parce que Allah a dit dans ce sens, rien ne lui ressemble. Tu ne peux pas faire appel à la raison. Et tu dis donc, il est un. Donc et tu parles de toi en fait. Allah, amrou, il ne peut pas donc faire appel à la raison et penser, toi en tant qu'être humain, tu sais ce que ça signifie le mot descendre. Mais l'appliquer pour Allah, ça c'est une erreur. On ne peut le savoir. Et personne ne le sait d'ailleurs. Il n'y a que lui qui le sait. Il a dit dans rien de lui et son âme. C'est lui l'autre qui l'a envoyé. لا يجوز أن تقول كيف يسمع كيف يبصر. ولا ممكن كان هذا السياسي من بعد ديس كم يقدر وكم يقدر ما. لا يجوز أن تقول كيف استوى كيف ينزل. متفقين من ديس كم يسير ديس كم ينزل. تذكرون كلمة الإمام مالك المشهورة تعرفونها. ولا ممكن كون يذكر كلمة الإمام مالك بقول كوني الإمام مالك رحمه الله. حصل الإمام مالك في درس الموسى. donc l'un dans l'un des cours qui était donné par l'imam مالك رحمه الله. C'était dans la mosquée du Prophète Mohammed. Et donc il était connu, c'est l'imam de Médine. Il y a un homme qui est venu au milieu de l'assemblée. Et il a dit Oh, Rahman s'est établi au-dessus de son trône. Comment? Question. Qui a été posé pour la première fois. L'imam, Malik Rahimahullah, a baissé la tête. Donc il a été pris de force, donc il commençait à transpirer. Donc de par le poids de cette question. Puis après, il a levé la tête. Il a dit donc, le fait de s'épanouir, ça c'est quelque chose qui est connu. والإيمان به واجب. إخوان قلنا بالobligation. والسؤال عن. pose la question sur le comment. est une innovation. ما أراك المبتدع. je ne pense que tu n'es pas le mubtadi. et après il a ordonné qu'on le sorte. حملوه. mon fils mon fils. لبس. هذا الملبس. لقي ملبس. هذا معنى الملبس. ça c'est le vrai terme de celui qui cache les choses qui essayent de mettre le doute sur les choses. ما معنى كلام الإمام؟ كيف يقول الإمام مالك رحمه الله في فقهه؟ نرجع له. فقهه هو بيان. قال الاستواء معلوم. إذا دي الاستواء من كل شيء يكون. من حيث معنى اللغة. ولا تقولي استدامين ولا فارغ الصوص دون ما نعرف. لا من حيث حقيقة الاستواء. إنه ما بعرف لغة الإنجليزية. الاستواء معلوم. لأن نخاطب بلغة نعرف. ولا بس كي أمي أعرف. الكلام اللي les mots dans lesquels il dit, il dit dans une langue que nous comprenons. Al-Istiwa ma'alouf. Wa l'iman ubihi. Wajib. Croire donc voilà de l'obligation. De par donc la croyance, on dit nous incombe d'y croire. Wa l'kif majhoul. Le comment. Wa l'kif majhoul. Il a dit, j'ai oublié tout à l'heure que les nomades de la ville Kane, il est inconnu. Poser cette question, c'est une innovation. On a été dans l'un des fautes qui étaient donnés par le chef, le général de Moralé, et quelqu'un qui a posé une question. Donc, une question qui ne devait pas. Si j'avais mon téléphone, je vous aurais fait écouter le papa. Mais hier, vous n'avez pas ramené les téléphones. Voilà, il y a quelqu'un donc, qui a posé une question qui ne devait pas. Chef, il lui a demandé de se faire. Et après, donc, il a continué son cours. La personne se relève. Il s'est adressé à lui avec dans le dialecte. Il y a du loup, Allah, que je t'ai pas mis dehors. Il y a dit donc le fait déjà loup, Allah, que je t'ai laissé à ta place. Sinon, normalement, ma question, tu mérites d'être dehors. Donc il s'est tué. ونؤمن بأنه سبحانه وتعالى يأتي يوم الجمعة للفصل بين العباد لقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. إذا هذه مسألة تسمى المجيء. Ici donc, il s'agit de ce qu'on appelle le Majid, le fait qu'Allah vient. Donc on dit, Allah il vient d'une manière qui lui est fiée et qui est divine de lui. Ça fait dans combien de minutes? ثم ننظر لأنفسنا كيف نجي؟ لا، ليس كمثله شيء. هذا تقال في كل الأسماء والأفعال. بعد صلاة العصر نتمنى من الناس في الله ما شاء الله تبارك وتعالى يرزقنا جاهز من عند النافع ونزكى الله في الدين ونعم الصالح إلى تدل الله وصلى الله وسلم على محمد.